Thank you. Alors, s'occuper de vous ou pas? Alors, je vous écoute. Bonjour. Monsieur est en immersion. Je vous écoute. Bonne journée, bon courage. Au revoir, venez les filles.